The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. To take. Prendre. Key. La clé. Pocket. La poche. To find. Trouver. Don't panic. Pas de panique. To go. Passer. Window. La fenêtre. To wait. Attendre. Now, a bit faster. To take. Prendre. Don't panic. Pas de panique. To go. Passer. To find. Trouver. Pocket. La poche. To go. Passer. Don't panic. Pas de panique. To wait. Attendre. Pocket. La poche. To wait. Attendre. To find. Trouver. Window. La fenêtre. To find. Trouver. To take. Prendre. To find. Trouver. Don't panic. Pas de panique. Window. La fenêtre. Now, use the words in context. Prendre. You always take his bag. Tu prends toujours son sac. La clé. She has the keys. Elle a les clés. Trouver. She found her purse. Elle a trouvé son sac. Passer. Go through the window. Passe par la fenêtre. Attendre. Wait for me. Attends-moi. La clé. She has the keys. Elle a les clés. Trouver. She found her purse. Elle a trouvé son sac. Passer. Go through the window. Passe par la fenêtre. Attendre. Wait for me. Attends-moi.